pogo, tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, qu'on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Comment ça? On serait tous des putes. Parle pas de Moïse parce que tu m'as vu mon jupe. Comment ça? Finis les machos. Je vais finir par me sauver. Je ne suis pas un lover. Fasse un bon été avec le son de Skyrock. Des magiques indiens. Allez, allez, allez. Lève la main. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, oui, oui. Dès qu'il avait trop de style, qu'il vendait du I Want Lady. Pour lui, personne se faisait le pire. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Ça n'est pas, mais je garde le meilleur. Oui, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les OH passent. La la la la la. Meilleur. Ok. Ouais, on a fait chanter Fred aussi, ça c'est. Ouais, mais c'est bien comme ça, on va arrêter les conneries. Planet Rap te souhaite de bonnes vacances avec Skyrock. Yeah, yeah, yeah, yeah. On a bien parti mix dans les bacs. Yeah. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. Et sur Sky. Rock, DJ Nida, Rimka, l'artiste Bailey. Ouais, on est là, cousin, c'est le son de l'été. Je me suis déconnecté. Je vais pas mettre au blanc d'un côté. Et je me suis déconnecté. Je vais très heureux pour d'être l'été. Et j'écouterai du DJ Nida. Passe mon bras, c'est maudit. Ouais. J'ai mis les bagages en logis. Je suis le ciel gris de Paris. Je veux la même vue qu'à Bali. Au quotidien marron, je gris. Je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées. Feu rouge donne toujours une petite pièce. J'ai un peu bien fait faire tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'espace, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de chute, je suis frais. Je me fais bronzer les plumes. Je passe aux eaux et les marches. Mets un bisou au village. J'ai les aïeux, mon pote. Je ne sais pas me j'écouterai du Biggie, du Nina, pour m'ambiancer. Un roi mon pote dans une piscine, je fais la paix. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes conches avec mes gars, je suis sous le soleil. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Toute la D2, Victoria Secret. Toute la D2, le bodan de Sunny. Aïe aïe aïe. Danser les récits. Ouais, je bondis. Quand tu m'envoies des photos, on dit quoi? Je zoome sur tes fesses. C'est la pluie. Je suis avec mes potos. Dans le tour des tigresses. Et pas ta Beyoncé. J'ai pas grand à Carter. Tu vas finir penser. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. Genre, t'es de Sao Paulo. Mais mon pote à Rumba. Parce que t'es une Moroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garettis et les bouteilles d'alcool. Je te paye un gin Philippe plein. Mais ma chérie faut le remplir. C'est pas comme un Philippin. Alors je vais sortir. Au pire me reste mes mains. Et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux sont pas là. Tu brûles ta canne. À la bien mise par Chine. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. ce soir, le meilleur de Planet Rap 2014. Hey. Hey. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Ou pas, il y aura bien un jour on n'y croira plus. Un jour ou l'autre on sera tous papa. Et d'un jour ou l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, comment on sait comment on fait les bébés? Mais personne sait comment on fait les papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est ça. C'est le meilleur de cette saison 2013-2014 avec cette reprise de Papa Outé par Tal. C'était dans l'émission durant cette saison 2013-2014. On retrouvera dans un instant Gims. On retrouvera Nawel aux côtés de Vita Sean Paul aussi à écouter. C'est tout à l'heure sur Skyrock. Jul aussi, session freestyle avec Jul avant la fin de l'émission. Avant d'en trouver tout à l'heure la spéciale de D-Fool à partir un petit peu avant 21h sur Skyrock. Et là le son c'est Jason Derulo et Wiggle. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Ash Magnum, avec Maître Gims sur le projet DJ Case qu'on retrouvera dimanche soir sur Skyrock. C'est DJ Drake Supreme, DJ Case, et son projet arrivera le 25 août. Il sera à découvrir d'ailleurs, ça je peux vous en dire un mot, ce sera sur la saison 2014-2015. Ce sera le tout premier Planet Rap, la semaine du 18 août, à découvrir Paris, Oran, New York, le projet DJ Case, où il y a ce morceau du swag qu'on écoute à l'instant. Tiens, Gims, c'est pas fini pour Gims. Après la pub, on revient avec un Gims comme vous l'avez jamais entendu, déchaîné avec son DJ au platine, une version aussi de Warno Style à écouter durant cette saison 2013-2014. C'est dans un instant, ainsi que vous, freestyle par téléphone, bougez pas. Comme toi, ils ont tous choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Numéro 1, on a soin. Fais-nous vibrer. Il a des lunettes, une casquette, une barbe. Il est là dans les locaux ce soir. Maître Gims et Flag, mais ouais. What's up with this? Ah, raconte this. Ah. Ce soir, vous êtes pas prêts, gros. Subliminal, la passe cachée. Last one. Ça se passe sur Skyrock ce soir. La face cachée sort toujours le 2 décembre dans les bacs. En compagnie du monstre marin Benjik. Wouh! Il est mal au bon. Mais qui mixe ressens. Dis-toi ce que tu ressens quelque part de profond, toi. In your books. DJ Last One. En compagnie de l'amiral DLY ce soir pour superviser. Mafia Kinshi. Mafia Kinshi. Mafia Kinshi. Mafia Kinshi. Mafia Kinshi. Big up à Mega 19-4. Yeah. Dire. Cosé Vitry sur scène. Tune. Alphaville est présent ce soir. Ayrton et Steve. Bagneux. Ayrton et Steve de SFC. Enfermé. Ah, sacré DJ, hey. Dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. La haine. Où t'es DJ, où t'es. Où t'es DJ, où t'es. Où t'es DJ, où t'es. La soirée, la soirée. Où t'es DJ, où t'es. En tout cas, ma cambo. Où t'es DJ, où t'es. Où t'es DJ, où t'es. Où t'es DJ, où t'es. Ok, le son s'appelle Warano Style. C'est une réponse au coréen Psy. Du Gangnam Style. Alors que tout le monde se lève ce soir. Et danse sans changer notre son. Meggy Warano. Meggy Warano. Meggy Warano. Paris Saint, soit tu vis, soit tu vis pas. On se déplace pour le garçon de Ripa. Appelle-moi ou ton jet pour varier fois. J'entends mes singles repris par les oreilles fois. Pour des photos, les you voient insistent. Sur le chemin, nombreux se désistent. Tout ce que je touche vient de leur bande habitat. Me demande pas pourquoi je suis un modèle pour mes six. Warano, aïe. En quarantaine, un peu comme chez les parcs. Et les autres imbéciles n'ont qu'à faire gaffe. H. McDom, sa clope et son féca. Hey. Ça sort toujours le 2 décembre dans les bacs. Attention mon seigneur, tout le monde sort. Tout le monde. Sur mes cycles, en vérité là je dois péter un cigare. J'ai même envie de dire ainsi va la viga. Elle est bien loin l'époque de l'avocat. Mon entourage me suggère des cons va. Et toi tu sais fort l'amitié dès qu'on se voit. Quand t'as du fric bah tu marches sur l'ego. Pagani fait tu marches sur l'ego. Référence du rap, photo faut que tu captions. 20h21h sur Skyrock. Skyrock. Elle s'appelle Iggy Azalea, on l'écoute avec son morceau Fancy à l'instant sur Skyrock. C'est le meilleur de cette saison 2013-2014 de Planète Rap. Dans un instant, Vita qui nous avait apporté une surprise avec Nawel Madani à réécouter dans quelques minutes. Sean Paul, Jul aussi en freestyle, session freestyle de Jul à réécouter. C'est dans un instant et juste avant, on est avec Roms du 974 de La Réunion. Comment ça va Roms? Ouais, ça va bien, en pleine forme dans cette ce dernier Planète Rap de la saison. Roms qui a lui beaucoup participé au Planète Rap en freestyle. Bah ouais, j'ai eu la chance de beaucoup participer grâce à vous, hein, et puis ça fait plaisir de toujours être là quoi. Et bah j'espère que tu vas être bon pour cette dernière de la saison, Roms. Bah ouais, tranquillement. Et voilà. Puis à l'occasion de la sortie du film Fast Life avec Thomas Njijol qui était là avec nous hier soir, il y a le iPad mini, il est pour toi. Donc voilà, déjà premier cadeau pour récompenser un petit peu tous les freestylers les meilleurs de cette saison dont tu fais partie, Roms. Et on t'écoute maintenant, session freestyle par téléphone, c'est parti. Allez, go. Yeah. Ok. R.O.M.S. un peu artiste, poète. Parce que tout ce que t'entends sort de ma tête. Yeah, La Réunion. Ah, tu connais. Check, parfait. Yeah, ok, yeah, mec, je revois ce monde, image claquée, tonnerre, gronde, calqué sur un beat, des gens pour m'en passer sur les sons, les gens sont devenus vulgaires, j'ai voix du haut de ma vulgaire, rappeur, j'agite mes verres, je pète le bide avec des ulcères, Vera, tu m'as vu le faire en recoulant d'un vifère, roulant sur l'autoroute d'une feuille avec des rimes dans le viseur, attiré par le disque, car le disque est, attends que j'en mon disque, et dans les bacs, planqué sous la poussière, j'suis ce mec, pas très marrant, rigolant un peu trop souvent, inarrêtable complètement, son mélodie et son battement, la vie est un moment crucial, non, j'ai jamais cru ça, après la mort, pris le bien, le mal, on fout dans une salle, pareil qu'on réfléchit souvent, le cul assis sur les toilettes, alors les choix du président ne sortent pas que ça, un peu artiste poète, ma marque de fabrique, toujours les mêmes lettres, R.O.M.S, ça paraît logique, j'ai passé d'ombre à la lumière en espace une seconde, écoutez son toujours des terres, toujours dans l'unifié du monde, ouais ouais, un peu artiste poète, t'inquiète. 974 La Réunion, négo. Yes, avec Roms à l'instant et le mini iPad offert par l'équipe de Fast Life. Le film qui est sorti aujourd'hui dans toute la France et à La Réunion aussi, j'espère. Hein. Bah ouais, obligé. Eh ben obligé. Terrible, merci à toi Roms. Merci à toi, frère. Gros donnera. Big up à Skyrock, merci beaucoup. Et puis voilà, c'est Planète Rap, c'est toujours du lourd. Et puis gros big up parce que vous faites partager, voilà. Eh ben merci à toi Roms, en tout cas. Puis on se dit rendez-vous la saison prochaine. Ouais, y'a pas de soucis. Dès le 18 août, retour de Planète Rap avec DJ Case pour son projet Paris, Oran, New York, y'a pas loupé. Allez, go. Ciao Roms, merci à toi mon pote. Ciao Fred. Salut, ciao. On va écouter Vita avec Nawel, une surprise Nawel qui était venue dans le Planète Rap de Vita. Derrière, il y aura aussi Sean Paul et puis Jul en freestyle. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, le meilleur de Planète Rap 2014. Est-ce que vous êtes prêts? C'est surprise, surprise en live dans l'émission. Tu veux dire l'histoire de cette rencontre, Vita? Tu veux dire un mot sur cette rencontre qui ne sera pas malheureusement sur l'album, donc enregistrée. Parce que c'est un bonus Skyrock. Ouais, c'est un gros bonus Skyrock. Franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais on est là. Edition. On est là, on est chaud et on est chaud. Chaud. Et chaude. J'étais obligée j'attendais que tu le rajoutes. De faire la correction, vous me corrigez, je vous corrige. J'ai pas osé, mais j'ai. Vas-y. Oh, c'est Nawel et Vita sur Skyrock. On n'est pas à Bruxelles, mais à Bronxelles, New York City, motherfucker. En direct live, qu'est-ce qu'il y a avec Fred? Remix. C'est ça, Brigade Anti-Patartoche live. C'est Nawel et moi, on fuit les gars comme toi. Toi, tu penses nous tenir, c'est parfait. Tu nous croyais naïfs, tu nous croyais passifs. Tu finiras par attendre nos appels. Tu croyais vraiment qu'on allait se laisser faire. Nous, on infiltrait Free, Wigo, Orange et SFR. Là, tu souris, je le sais, tu te sens visé. Nawel, Madan et Vita sur Skype pour tous les traumatiser. Tu finiras par tomber, tomber, tomber. Tu me supplieras t'écouter, saoulé, saoulé. Tu vas finir par sombrer, sombrer, sombrer. C'est toi qui as voulu jouer, jouer, okay, okay, jouer. Ok, Nawel, je viens squatter les ondes, tu peux acclamer ta boss. Si je me fais les ongles, c'est pas pour gratter ton forme, tu déconnes. Tu m'as pris pour une bouffonne, inversons les rôles, là tu vas laver mon sol. T'as le seum, je suis un solote, mais ta soeur me ressemble. Dans le pull on degrease, toi et moi on sera ensemble. Comment ça? On serait toutes des putes. Parle pas de Moïc parce que tu m'as vu manger. Comment, comment ça? Fini les machos qui matent le calcio en entendant un plachot. Mais parle pas de ménage, fini le Moyen-Âge. Ma brigade est de sortie, le plus je finis en carrosse. Noël et Vita, un style inimitable. Un featuring bien plus qu'efficace. Reste l'union, t'auras ta petite dédicace. Aïe! Pense à qui quand on rentre sur le beat? Ce soir c'est Vita et Nawel Madani sur le même titre. C'est maintenant, dis-moi qui te met la pression sur le beat. Et si tu danses, c'est que Vita et Nawel sur Sky, on fait un feat. Brigade Antibata sur Skyrock, c'est Nawel et Vita. Ils vont regretter de nous avoir fait pleurer comme ça. T'as jamais vu de meuf comme nous. Ils finiront sur les genoux. Neuf fois meuf au rendez-vous. On met les mecs au quart d'avoué. Aïe! Assieds-toi, faut que je te parle. C'est Nawel et Vita sur Sky. Tu finiras dégoûté, dégoûté. Tu pourras pas m'oublier, vie. C'est Nawel et Vita sur Sky. Ce soir sur Planète Rap, tu finiras dégoûté. C'est toi qui as voulu jouer. C'est ça, motherfucker, fricadelle. Qu'est-ce qu'il y a, les frites ici, mayonnaise? On est là en casse avec Bruxelles, représente. Big up Def Jam Comedy, Mr. Sean Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Welcome. Bienvenue. What's up, man? T'aimes bien la France? Oh yeah, France treats me well, and very good listenership here. So it's been good. Écoute, il adore la France et la France lui rend bien. Et nos auditeurs sont très fidèles. Quelle image de nous quand t'es venu pour la première fois en France? Well, it was crazy because it was August and everybody was on holiday. Ah bah oui, c'était au mois d'août, donc tout le monde était en vacances. And nowhere was open in Paris. C'était fermé à Paris. And I was like, this is a big city, right? No, nowhere is open, and they kept explaining to me it's August, so yeah. Il comprenait pas pourquoi tout était fermé. On lui disait, bah c'est le mois d'août en fait. Tu t'es dit, je suis tombé dans le trou du cul du monde. Yeah, I was like, what the hell? and then I realized, oh, it's a holiday time in the school. And then a few years later, after coming back more and more, I was able to understand what happens at that time because I go to the country to Saint-Tropez and Cannes and you know these places. Alors après, oui, il a fréquenté des endroits comme Cannes, Saint-Tropez en août. Donc il a compris ce qui se passait au mois d'août en fait. Il a compris pourquoi c'était si calme à Paris. Il a compris pourquoi tout le monde était concentré là-bas. Yes sir. My people think they should know. Skyrock flow. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Friends, ladies. Hey. Girl, I got this so high. I know you like to come and push it on me. Feel I ride, would you drop it low and break it off? She doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't. Girl, I got to push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, me gamma off a lock on it. Wind it, twiggle it, set the trap on it. Two more shots, now me in a hot on it. Two girl, I'm ready for jump on it. Two to my word, I'm ready for dump on it. Ready for run, yeah. Ready for dunk, yeah. Tag team in fire. Everybody know, put your hands up high. We burning up the sky. Skyrock all the dance all crazy. The club on fire. I like the way you dance. Girl, it got me in a chance. My baby, she don't mind. Girl, I got you so high. I know you like to come and push it on me. If it feels alright, would you drop it low and break it up? No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't. Girl, I got you so high. And I know you like to come and push it on me. Would you drop it low and break it up? She doesn't mind. She doesn't mind. Don't it. I will tell them, wind up, wind it, girl. Same time I time it, I time it, girl. Same time I line, she align it up for co-sign it. Prime me, I prime it, girl. This and a crime, I'm a climb it, girl. Check the temperature, the climate, girl. Check the rhyme, when me, I rhyme it. She combine it, everybody I'ma drive it well. Just put your hands up high. We burning up the sky. Skyrock all the dance all crazy. ain't gonna be shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal. Rare nation at them. Big up on my Twitter peeps. I'm waving it down for the night, cause we need a win it all. Let's go! Huh. L'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, le meilleur de Planète Rap 2014. Sur la crise au mic, mec. C'est un son anti-traître, anti-balance, anti-salope, anti-BDH, anti-cave, anti-flic, mérite des calottes, calez-vous un doigt. Y'en a marche sur les nerfs, tout va pour le mieux, ce sera plus pour faire pleurer nos mères, viens voir où on erre. On nous a rien offert, ils partent dans le dos, après donnent des conseils comme si c'était nos pères, tu écoutes. Non, jamais trahir pour un gramme, tu écoutes. Non, jamais trahir pour une dame, tiens un calibre mais sans balle. Sert à rien de le montrer, de ta fille on s'emballe. Sert à rien de te montrer, tu l'as ramené, tu l'as nourri, habillé, il était en tête, tu l'as giflé. Au poste il s'est fié, y'a que des traits de toute façon, tiens qui font les gars sombres. Le jour où j'embrouille, y'a plus de grands garçons, et je les vois se casser. Le lendemain s'embrasser, parler à la bande d'ennemis qui vient juste de passer. Combien t'ont défaugé, quand t'étais faugé, combien ont baffé au flic quand ils ont ouvert ton dossier. J'ai vu des gens s'aimer, faire tout pour salir quand les billets t'ont mis le faire tout pour se salir. C'est la crise au mic, mec. Ok. Anti-BDH, anti-salope. Ils passent vite d'un camp à l'autre. Ils jalousent, ils te balancent. Envie de les fumer comme dans Call of. Anti-BDH, anti-salope. Ils passent vite d'un camp à l'autre. Ils jalousent, ils te balancent. Envie de les fumer comme dans Call of. Comme dans Call of. Ok. Trop de bandeurs d'hommes qui tournent dans le secteur. Trop de noms qui se donnent, ça commence à faire peur aux comicos. Ça rigole avec l'inspecteur. Je me demande au final si ces hommes ont un cœur. Faudrait bannir tous ces bandeurs de faux voyous. Bannir tout ce qui pourrait nuire pour un petit caillou. Renie pas la Honda, sur toi elle a trop compté. Tourne la clé, mets le contact, balance, appelle les condés. Allez, on m'a dit, j'aimerais que tout soit parfait, mais c'est pas le monde de Gandhi. Ta mère c'est de l'or, n'a fait pas pleurer pour de l'argent. Et t'a menacé de mort, dis j'ai rien, fume sur l'agent. Dis-moi où t'étais, avec un mec plein assis dans le haut du TT. Une fois qu'il remonte la pente, l'autre a coulé. Et tu te retrouves dans le business par le revoir qu'a coulé. Quoi qu'il se passe, reste anti-BDH. Anti-traite, sans fierté, qui balance et qui se cache. Que des fils de lâche, ils me mettent la rage. Trahissent pour débarrer tout du cash. Compter les traites, tu peux plus les compter. Ton pote a laissé tomber les BDH. Quand tu es coté, je pèse la loi et les condés. Les traites, tu peux plus les compter. Ton pote a laissé tomber les BDH. Sont là quand tu es coté. Anti-BDH, anti-salope. Ils passent vite d'un camp à l'autre. Ils jalousent, ils te balancent. Envie de les fumer comme dans Call of. Anti-BDH, anti-salope. Ils passent vite d'un camp à l'autre. Ils jalousent, ils te balancent. Envie de les fumer comme dans Call of. Yeah, ah. C'est la crise au mic, mec, en direct de Skyrock, Planète Rap. 24 février dans les bacs. Yeah, ok. Ah, ok. Ne fais plus de coups que tu te fais péter. Péter, même routine hiver comme été. Été, que je pense, je fais comme répéter. Rien à regretter, malgré mon buzz, j'oublierai jamais qui j'étais. Qui je suis, mon anif qui me l'a fêté. CD, trois vents comme un CD. Dur pour faire sortir un CD. Avec peu, on peut faire beaucoup. Crois en ce que t'es, pas le temps, tu sais. T'as mal, c'est resteront, ouais, je fais la mal. Je vois mon avenir crypté comme canal. Le meurtre à la calage, c'est banal. Et yo, carnal, je rêve de m'en aller. J'aimerais bien t'aider, mais je sais pas où t'as mal. Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu t'emballes? Tu pleures pour une fille, hier, tu disais que tu t'emballes. Tu connais la rouchine, tiens, 51 gold. Tu es parti en mission parce que j'ai gratté une gold. C'est devenu une mode, beaucoup préférée. faire l'argent à leur mode. Motherfuck, ça vend du shit pour s'acheter un Glock. Trop ont perdu la raison, se sont fait virer de la maison. La vie nous a poussé à se transformer en doc. Et oui, en doc, j'ai le cœur sur la main. Et si je suis en tort, jamais je la ramène. Ta vie et ton sort, va pas changer la mienne. Et si un jour je m'en sors, je mettrai bien ma mère. Hein? Peur à la grosse, le gros poisson va pas manger la miette. On peut voir la haine sur le visage d'un gosse. Donne-lui le plat, il te mangera l'assiette. Tu le mets la sienne. J'suis toujours le même, si tu m'as connu à l'ancienne. J'ai faim de poser, tous les jours j'enchaîne. J'ai même plus le temps de consulter mes planchaines. Il est 3h du mat, tout le monde va rentrer. Le tech est mort, mais moi je vais chanter. Si tu l'enchantais, je suis ce mec normal qui cherche pas à se vanter. Le check m'a hanté, je le connais par cœur. Je pourrais rentrer chez moi, les yeux bandés. Le vol m'attendait, mais j'en ai pas peur. J'ai vu mon poteau pour 5 ans de rentrée. Ne m'en voulez pas, je rappe le ghetto. Le sang de la gratte, cagoulé en bécane. Armani ou Vuitton, location du l'état. Sous les sièges de métaux, toujours anti-état. Je veux pas me lever tôt, c'est trop. Je veux le merco, ouais gros, marque de galerie avec mes poteaux. Moi j'ai trop de jaloux dans le rétro. Écoute, maintenant ça tue pour du pédo. Vite ta vie, vite ta vie. Mais depuis quand toi et moi on est amis, qu'est-ce que tu dirais si je reste avec celui qui te l'a mise? Et qui te dit la famille? Oh no baby, j'suis trop ghetto pour te dire t'es ma lady. Pour te dire j'ai le cœur en panne. Mayday, mayday, vois ma rage dans ma rétine. Les putes me rionnent, croient le camionner. Pas besoin de se montrer pour voir qui on est. J'suis pas né yo, plein de monnaie yo. J'ferai tout pour mettre maman dans un yacht. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton équipe? Tu plein d'affaires avec ton équipe. Que tu voles, ouais je vois les pitres. Règle tes comptes avant de parler chiffres. Easy, easy, pas le temps de clash, moi j'suis trop pressé. Quand y'a perquise ici, deux jours avant, les darons sont stressés. Que des victimes, pleines de manie. En ce moment où check, c'est la guerre comme au Mali. On te fout les boules, comme on arrive. Trop vénère, surveille ta mamie. Au secteur des civilia, des gros joints, mais des joints d'IA. Un 3-5, c'est genre la pointe, hein. Tu PDH, anti-pillage. Au quartier y'a de la Vendôme, les petits jouent les Vendôme. Soulevé par les gendarmes, jour de vie, moi j'en parle. Tu le sais que j'en bave, j'ai quitté les études. Fais gaffe car les gens bavent. Et c'est éduque, les putes s'éduquent. Mon bouquin passé du con, mais toi j'ai trop vu que tu me prends pour un trou duc. Et j'ai entendu que tu te prenais pour Hulk, mais que tu te prenais des nuques. À ce qui paraît, tu vis mal, tu tires, mais tu vises mal. Tu connais la devise, tu as trahi, puis la bise, man. Je vis, je vois, je viens d'en battre comme toi, j'ai pas le droit de fouler quoi. Qu'on se rassemble ou qu'on se dissoute. J'y repense quand je dissoule. Plus le temps, je veux des sous. Des sous, là je suis soutif. Miss, cache tes barrettes sous le soutif. Anti-pouki, couteau ou patch, tu me fais le rocky. Oh, ok, man, je viens vous choquer là. C'est pas le propre, tu me laisses des chats à la jonquera. Viens pas nous pomper là. Freestyle de Jul, qui a fait un véritable carton aussi sur le net. Hein. Les vidéos sont disponibles sur skyrock.fm, sur la page de Planète Rap. C'est 2 millions de vues pour ce freestyle qu'on réécoute à l'instant sur Skyrock lors de sa venue durant la saison 2013-2014. C'est pratiquement fini pour ce soir. On va faire tourner la roulette et retrouver la spéciale de Default après. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50 euros de bon d'achat avec la clim. Salut Maëlle de Ham, ça va bien Maëlle? Salut Fred, ça va et toi? En pleine forme, la jolie petite douce voix de Maëlle. C'est les vacances pour toi Maëlle? Oui, oui, je suis en vacances. Tu bouges un peu ou tu restes dans la Somme? Non, là je suis en Vendée. Ah bah t'es en Vendée, donc bien, plein air. Ça se passe bien les vacances ouais, Maëlle? Il y a le soleil, il y a la roulette. Ouais aussi. Allez, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti Maëlle, on y va. Stop. Ah bah y'a tout le monde avec toi, y'a du renfort en plus. Maëlle en famille, en vacances du côté de la Vendée, bah pour toi 50 euros de bon d'achat pour les vacances avec la crime, le DVD fiston avec Kev Adams qui arrive aussi à la maison, bah tiens pour ton retour de vacances, c'est pour toi Maëlle. Bah c'est très gentil. Je te fais des bisous. Passe une Merci. Bonne soirée. À bientôt. Ciao ciao, reste avec nous. La spéciale de Default, c'est dans un instant sur Skyrock. Ne bougez pas, juste après la pub et le son de Nico Evans. Et nous on se retrouve demain 20-21. Ciao. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Skyrock te